19h précisé dans les studios de la radio Bonesha FM, même heure à Kigowe et à Kanyosha. Bienvenue dans ce journal parlé en langue française du 15 avril, en sa grande édition de la soirée. Willy Sindayeura est à la présentation, Jimmy Blaise Nizongiza et Olivier Duquesé assurent la mise en onde après une courte pause. Le sommaire. Le gouvernement du Burundi précise avoir déjà épuisé 50% des réalisations prévues dans ce programme durant ce premier semestre. Dans cette édition, vous l'entendrez. Les habitants du quartier Guissio de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura demandent de secours suite au ravin se trouvant sur sa 5e avenue près de l'école La Convivialité. C'est aussi dans cette édition, sans oublier l'actualité internationale et sportive. La chronique des droits d'enfants fera aussi le point de ce journal. Ce n'était que l'essentiel. Rebonsoir, débutons par la page politique. Le gouvernement du Burundi a déjà réalisé son programme annuel à 50% durant ce premier semestre. C'est du moins les déclarations du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni devant les élus du peuple la journée de ce jeudi. Le Premier ministre indique que les fonctionnaires sont appelés à travailler n'importe où que le besoin se fait sentir. Il faisait allusion aux comptables communaux qui ont été dernièrement démis de leurs fonctions par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Alain Guillaume Bunyoni a aussi signalé que la microfinance de la police nationale va bientôt voir le jour. Certains des musulmans se disent préoccupés du manque de sucre dans ces jours du mois de Ramadan. Ils demandent que, plutôt ils déclarent que même s'ils parviennent à avoir ce sucre, il s'achète à un prix élevé. Ces musulmans demandent au gouvernement de prendre des mesures pour éviter cette pénurie. Suivez ces musulmans qui se sont entretenus avec la radio Bonesha FM. Vous utilisez le sucre dans presque tous les plans, oui, et autres. Ce n'est pas seulement pour nous les musulmans. Le Burundi a besoin de sucre. Quand on n'a pas de sucre, on risque de manquer. Quand il va à la boutique pour acheter le sucre, le boutiquier nous répond qu'ils n'ont pas de sucre. Les autres nous disent qu'ils achètent très cher. Quand on sera dans les alimentations, tu peux l'avoir, mais à un prix élevé. Enfin, cette carence, on obtenait le sucre à 2500, mais maintenant, ça va jusqu'à 3500 le kilo. C'est à condition que tu sois toute seule et tu ne peux pas avoir plus d'un coup. Après la page environnement, les habitants du quartier Guissio de la zone Kanyosha s'inquiètent du ravin se trouvant à la 5e avenue de ce quartier. Ces habitants précisent que ce ravin s'élargisse du jour au jour. Ils signalent également que certaines maisons d'habitation, de même que les tombes proches de ce ravin, sont déjà écoulées. Alice Naïzeye pour plus de détails. Ce ravin qui se trouve dans le quartier Guissio de la zone Kanyosha à commune Noa se situe précisément au 5e avenue, en bas du lycée de la Convivialité. Pas mal de maisons se sont décorées et même les tombes qui se trouvent à cet endroit, comme le confirment certains habitants de cette localité. Ils affirment que certains d'entre eux siègent dans une école qui se trouve à côté pendant la nuit du père de ce ravin. Ces habitants demandent aux instances habilitées de construire ce ravin pour limiter les dégâts énormes. Les tombes qui sont détruites sont nombreuses. Nous les voyons dans l'eau avec les crânes, les os et les fleurs. On avait aménagé un caniveau, mais ce dernier est déjà démoli. Et tous les ans de la pluie passent dans nos maisons. Pendant la journée, nous restons là. Mais le soir, nous allons demander l'hébergement à l'école avec nos enfants et nous retournons le matin. Nous demandons à l'administration de nous venir en aide car nous ne voyons pas à quel sein se vouer. Les habitants de cette localité disent que ce ravin s'élargit du jour au jour, surtout pendant la saison de pluie. Nos remerciements à Alice Ndaïdeye après une courte pause, la page santé. Dans la page santé, il se remarque un relâchement des mesures barrières contre la pandémie de coronavirus. C'est dans certaines maisons de spectacle et de cinéma dans la municipalité de Bujumbura. Certains spectateurs sur les lieux affirmaient que si rien n'est fait, la propagation deviendra de plus en plus grave. Venanio Mungere a fait un tour la soirée de ce mercredi. Ce sont les plus vieux spectateurs amateurs du football dans certains points de la mairie de Bujumbura. Nous avons pu fréquenter, dans la soirée de ce mercredi, certains endroits comme les Home Universités de Mutanga, Kiriri, Kamenge, certains points de la zone Nyakabiga, de la zone Chibitoke et de la zone Ngagara. Ces amateurs du football, malgré la joie lorsqu'ils assistent à des matchs, ont peur de la propagation du coronavirus, surtout que ces matchs de la Ligue des Champions européens arrivent au moment où le Burundi fait face au coronavirus. Et nous sommes très nombreux. Si nous avons des problèmes à rapport avec la contamination du coronavirus, est-ce qu'il y a aucune mesure qui a été envisagée pour se protéger pour ne pas de chronique de l'enfant. D'ailleurs, ça va, David, vous pouvez dire. Les choses sont ainsi, alors qu'il y a certaines maisons comme les karaokés qui sont temporairement fermées par la décision du gouvernement pour des raisons de lutte contre la pandémie de coronavirus. Merci à Venant Niomungere. Avançons vers la page sportive. En la page sportive, les équipes de Real Madrid et de l'Espagne et le Manchester City de l'Angleterre sont déjà qualifiées pour les demi-finales de l'UEFA Champions League. Le Real Madrid et le Manchester City rejoignent le Paris Saint-Germain et Chelsea qui se sont qualifiés la soirée de ce mardi. Le Real a décroché le ticket après un match nul contre Liverpool la nuit de ce mercredi, alors qu'au match aller, le Real avait battu Liverpool 3-1. C'est au moment où Manchester City a fait le même score dans toutes ses rencontres avec Borussia Dortmund 2-1 pour le match aller et retour. Après une courte pause, chronique droit des enfants. Dans la chronique droit des enfants de ce jeudi, nous amène au centre d'enfants à déficience auditive aveugle dans la capitale politique Gitega. Ces centres qui enregistrent plus de 300 élèves connaissent un manque criant d'enseignants qualifiés en langue de signes. Cela étant à l'origine de l'échec scolaire. Joyce Guirenen Imanishimwe a préparé le point. Maternelle, primaire et secondaire. Toutefois, ces enfants rencontrent beaucoup de défis à l'école secondaire quand ils sont orientés dans les écoles à éducation inclusive. C'est le lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega qui les accueille comme école pilote. La directrice du centre pour enfants à déficience auditive dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui maîtrisent bien la langue des signes. Concernant la réussite, on a besoin de renforcement des capacités des enseignants. Spes Bandora regrette cette situation qui est à l'origine de l'échec scolaire. Les enfants échouent car les enseignants dont nous disposons ne sont pas capables d'expliquer aux enfants tous les cours. Un autre problème, ils n'ont pas de répétiteurs le soir. Pendant les cours, il y a un enseignant et un interprète qui travaillent en même temps. L'enfant est incapable de suivre tout et prendre des notes. Il va devoir prendre des notes chez son camarade et ce dernier peut avoir commis des fautes dans ses notes. Et cet enfant va donc noter les mêmes erreurs. Elle ajoute qu'il est difficile à ses enfants de continuer les études supérieures. La plupart d'entre eux préfèrent l'enseignement des métiers ou rester à la maison. Spes Bandora demande au gouvernement et bienfaiteurs de chercher les outils adéquats adaptés aux besoins des enfants à déficience auditive et aveugle. Il faut d'abord donner une formation et avant d'engager qui que ce soit, il faut d'abord voir son niveau d'études car on ne peut pas bien enseigner sans la qualification en la matière. Et s'il s'avère nécessaire, préparer les leçons à l'ordinaire, n'engager que des interprètes elles les sont déjà préparées. En plus de ces problèmes liés à l'éducation, ces centres n'ont pas de nourriture suffisante. Cela est lié par le fait que certains bailleurs ont arrêté leur financement. Ils demandent à toute âme charitable de leur venir en aide. Merci Joyce Guélenimanichimwe. Après une courte pause à l'international. Actualité internationale. L'actualité internationale de ce jour nous mène vers la République démocratique du Congo, plus précisément à Uvira-Ville, province du sud du Kivu. À l'occasion du début du mois de Ramadan, le président du Conseil des imams en ville et territoire d'Uvira appelle les grossistes au patriotisme pour ne pas faire augmenter les prix de la nourriture en cette période du mois de Ramadan. D'après Cheikh Hamis Sungwe, le patriotisme nous interpelle à avoir pitié des autres et surtout à ceux qui sont en situation difficile. Depuis Uvira, Jean-Baptiste Lulacha, notre correspondant. Le président du Conseil des imams en ville et territoire d'Ouvira lance cet appel au deuxième jour des jeûnes du mois de Ramadan, Cheikh Hamis Sungwe. Vous avez le plus en bas, vous êtes fan, oui, oui. Comment vous venez le patriotisme exige qu'on puisse avoir une vie de l'honneur, mais également les. C'est par ici qui prend fin. C'est par ici qui prend fin cette actualité. C'est Ramadan, et qu'en cette période des jeûnes, le musulman préfère une qualité de nourriture, et à tout prix, il veut revoir à la hausse les prix de ses produits alimentaires. Le patriotisme n'exige pas cela. Je pense que le patriotisme veut tout simplement dire qu'une personne ne puisse songer à l'autre pendant les moments de dures épreuves. Aujourd'hui, la planète est confrontée à un sérieux problème. Beaucoup de gens ne sont pas en mouvement par la simple raison que plusieurs pays ont fermé leurs frontières. Signalons, les fidèles musulmans d'Ouvira, comme partout ailleurs en République démocratique du Congo, ont commencé leur jeûne du mois de Ramadan depuis le mardi 13 avril dernier. Jean Beltiman Seloulacha, Ouvira pour Bonécha FM. RSF Bonécha FM, il est 19h12, 32 secondes. C'est par cette actualité internationale que nous bouclons cette grande édition de la soirée de ce jeudi. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, le rappel des grands titres. Le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni affirme que le gouvernement a déjà épuisé 50% des réalisations prévues dans ce programme. C'est du moins sa déclaration devant les élus du peuple la journée de ce mardi où il a même répondu aux questions des sénateurs et parlementaires qui siégeaient à Kigobe. Un relâchement des mesures barrières contre la COVID se remarque dans différentes salles de cinéma et spectacle dans la municipalité de Bujumbura. C'était dans cette édition. Les habitants du quartier Guissio de la zone Kanyoshan en commune Mouha, c'est en mairie de Bujumbura, demandent secours suite au ravin se trouvant sur la 5e avenue près de l'école. La convivialité qui a déjà causé d'énormes dégâts jusqu'aujourd'hui, vous l'avez entendu. Dans la chronique droit des enfants, nous vous avons parlé du manque de matériel professionnel qualifié dans le langage des signes au centre d'enfants à déficience auditive et aveugle, c'est à Gitega dans la province, dans la capitale politique. L'actualité internationale et sportive ont aussi fait le point de notre journal qui vous a été présenté par Willy Sindayeboula, Jimmy Blaise-Nizongiza et Olivier Duqueze qui a assuré la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction de la radio Bonécha FM et de tout un chacun pour sa parfaite collaboration. Merci également, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Restez à l'écoute de la RSF Bonécha FM. Bonne soirée à tous. Police, what are you doing? Oh, yeah. Police, what are you doing? Make a brain. Nani kinyoma ni kina virgile usangamu. Isinda yebo nani? Willy. Willy sinda yebo ha. Willy.